Chapitre 9. Marcel reparut le lendemain à 3 heures, la face verte, les yeux rouges, une bigne au front, le pantalon déchiré, empestant l'eau-de-vie, immonde. Il avait été, selon sa coutume annuelle, à 6 lieues de là, près d'Iqueville, faire le réveillon chez un ami, et bégayant plus que jamais, pleurant, voulant se battre, il implorait sa grâce comme s'il eût commis un crime. Ses maîtres l'octroyèrent. Un calme singulier les portait à l'indulgence. La neige avait fondu tout à coup, et ils se promenaient dans leur jardin, humant l'air tiède, heureux de vivre. Était-ce le hasard seulement qui les avait détournés de la mort ? Bouvard se sentait attendri. Pécuchet se rappela sa première communion, et plein de reconnaissance pour la force, la cause dont il dépendait. L'idée leur vint de faire des lectures pieuses. L'évangile dilata leur âme, les éblouit comme un soleil. Ils apercevaient Jésus, debout sur la montagne, un bras levé, la foule en dessous l'écoutant, ou bien au bord du lac, parmi les apôtres qui tirent des filets, puis sur l'ânesse, dans la clameur des Alléluia, la chevelure éventée par les palmes frémissantes, enfin au haut de la croix, inclinant sa tête, d'où tombe éternellement une rosée sur le monde. Ce qui les gagna, ce qui les délectait, c'est la tendresse pour les humbles, la défense des pauvres, l'exaltation des opprimés. Et dans ce livre où le ciel se déploie, rien de théologal. Au milieu de tant de préceptes, pas un dogme, nulle exigence que la pureté du cœur. Quant au miracle, leur raison n'en fut pas surprise. Dès l'enfance, ils les connaissaient. La hauteur de Saint Jean ravit Pécuchet et le disposa à mieux comprendre l'imitation. Ici, plus de paraboles, de fleurs, d'oiseaux, mais des plaintes, un resserrement de l'âme sur elle-même. Bouvard s'attrista en feuilletant ces pages, qui semblent écrites par un temps de brume, au fond d'un cloître, entre un clocher et un tombeau. Notre vie mortelle y apparaît, si lamentable qu'il faut, l'oubliant se retourner vers Dieu. Et les deux bons hommes, après toutes leurs déceptions, éprouvaient le besoin d'être simples, d'aimer quelque chose, de se reposer l'esprit. Ils abordèrent l'Ecclésiaste, Isaïe, Jérémie. Mais la Bible les effrayait avec ses prophètes à voix de lion, le fracas du tonnerre dans les nues, tous les sanglots de la Guéenne, et son Dieu dispersant les empires, comme le vent fait des nuages. Il lisait cela le dimanche, à l'heure des vêpres, pendant que la cloche tintait. Un jour ils se rendirent à la messe, puis y retournèrent. C'était une distraction au bout de la semaine. Le comte et la comtesse de Faverges les saluèrent de loin, ce qui fut remarqué. Le juge de paix leur dit, en clignant de l'œil, « Parfait, je vous approuve. » Toutes les bourgeoises, maintenant, leur envoyaient le pain béni. L'abbé Geoffroy leur fit une visite. Ils la rendirent, on se fréquenta, et le prêtre ne parlait pas de religion. Ils furent étonnés de cette réserve, si bien que Pécuchet, d'un air indifférent, lui demanda comment s'y prendre pour obtenir la foi. Pratiquer d'abord. Ils se mirent à pratiquer, l'un avec l'espoir, l'autre par défi, Bouvard étant convaincu qu'il ne serait jamais un dévot. Un mois durant, il suivit régulièrement tous les offices, mais à l'encontre de Pécuchet, ne voulut pas s'astreindre au maigre. Était-ce une mesure d'hygiène ? On sait ce que vaut l'hygiène. Une affaire de convenance ? Ah, bas les convenances. Une marque de soumission envers l'Église ? Il s'en fichait également. Bref, déclarait cette règle absurde, pharisaïque et contraire à l'esprit de l'Évangile. Le vendredi saint des autres années, il mangeait ce que Germaine leur servait. Mais Bouvard, cette fois, s'était commandé un beefsteak. Il s'assit, coupa la viande, et Marcel le regardait scandalisé, tandis que Pécuchet dépiautait gravement sa tranche de morue. Bouvard restait la fourchette d'une main, le couteau de l'autre. Enfin, se décidant, il monta une bouchée à ses lèvres. Tout à coup, ses mains tremblèrent, sa grosse mine pâlit, sa tête se renversait. « Tu te trouves mal ?»« Non, mais... » Et il fit un aveu. Par suite de son éducation, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait manger du gras, ce jour-là, dans la crainte de mourir. Pécuchet, sans abuser de sa victoire, en profita pour vivre à sa guise. Un soir, il rentra à la figure empreinte d'une joie sérieuse, et, lâchant le mot, dit qu'il venait de se confesser. Alors ils discutèrent l'importance de la confession. Bouvard admettait celle des premiers chrétiens qui se faisait en public. La moderne est trop facile. Cependant, il ne niait pas que cette enquête sur nous-mêmes ne fût un élément de progrès, un levain de moralité. Pécuchet, désireux de la perfection, chercha ses vices. Les bouffées d'orgueil depuis longtemps étaient parties. Son goût du travail l'exemptait de la paresse. Quant à la gourmandise, personne de plus sobre. Quelquefois des colères l'emportaient. Il se jura de n'en plus avoir. Ensuite, il faudrait acquérir les vertus. Premièrement, l'humilité. C'est-à-dire se croire incapable de tout mérite, indigne de la moindre récompense, immoler son esprit, et se mettre tellement bas que l'on vous foule aux pieds comme à la boue des chemins. Il était loin encore de ses dispositions. Une autre vertu lui manquait, la chasteté, car intérieurement, il regrettait Mélie, et le pastel de la dame en robe Louis XV le gênait avec son décolletage. Il l'enferma dans une armoire, redoubla de pudeur jusqu'à craindre de porter ses regards sur lui-même, et couchait avec un caleçon. Tant de soins autour de la luxure la développèrent. Le matin, principalement, il avait à subir de grands combats, comme en eurent saint Paul, saint Benoît et saint Jérôme, dans un âge fort avancé. De suite, il recourait à des pénitences furieuses. La douleur est une expiation, un remède et un moyen, un hommage à Jésus-Christ. Tout amour veut des sacrifices, et quel plus pénible que celui de notre corps. Afin de se mortifier, Pécuchet supprima le petit verre après les repas, se réduisit à 4 prises dans la journée, par les froids extrêmes, ne mettait plus de casquette. Un jour, Bouvard, qui rattachait la vigne, posa une échelle contre le mur de la terrasse près de la maison, et sans le vouloir, se trouva plongé dans la chambre de Pécuchet. Son ami, nu jusqu'au ventre, avec le martinet aux habits, se frappait les épaules doucement, puis, s'animant, retira sa culotte, cingla ses fesses, et tomba sur une chaise, hors d'haleine. Bouvard fut troublé comme à la découverte d'un mystère, qu'on ne doit pas surprendre. Depuis quelque temps, il remarquait plus de netteté sur les carreaux, moins de trous aux serviettes, une nourriture meilleure, changement qui était dû à l'intervention de Reine, la servante de monsieur le curé. Mêlant les choses de l'église à celles de sa cuisine, forte comme un valet de charrue et dévouée bien qu'irrespectueuse, elle s'introduisait dans les ménages, donnait des conseils, y devenait maîtresse. Pécuchet se fiait absolument à son expérience. Une fois, elle lui amena un individu replet, ayant de petits yeux à la chinoise, un nez en bec de hautour. C'était M. Gutmann, négociant en articles de piété. Il en déballa quelques-uns, enfermés dans des boîtes sous le hangar, croix, médailles et chapelets de toutes les dimensions, candélabres pour oratoire, autels portatifs, bouquets de clinquants, et des sacrés-cœurs en carton bleu, des Saint-Joseph à barbe rouge, des calvaires de porcelaine. Pécuchet les convoita. Le prix seul l'arrêtait. Gutmann ne demandait pas d'argent. Il préférait les échanges, et monté dans le muséum, il offrit contre les vieux fers et tous les plombs un stock de ses marchandises. Elles parurent hideuses à Bouvard, mais l'œil de Pécuchet, les instances de Reine et le bagout du brocanteur finirent par le convaincre. Quand il le vit si coulant, Gutmann voulut, en outre, la hallebarde. Bouvard, las d'en avoir démontré la manœuvre, l'abandonna. L'estimation totale étant faite, ces messieurs devaient encore 100 francs. On s'arrangea, moyennant 4 billets à 3 mois d'échéance, et ils s'applaudirent du bon marché. Leurs acquisitions furent distribuées dans tous les appartements. Une crèche remplie de foin et une cathédrale de Liège décorèrent le muséum. Il y eut sur la cheminée de Pécuchet un Saint-Jean-Baptiste en cire, le long du corridor, les portraits des gloires épiscopales, et au bas de l'escalier, sous une lampe à chaînette, une Sainte Vierge en manteau d'azur, et couronnée d'étoiles. Marcel nettoyait ses splendeurs, n'imaginant au paradis rien de plus beau. Quel dommage que le Saint-Pierre fût brisé, et comme il aurait bien fait dans le vestibule. Pécuchet s'arrêtait parfois devant l'ancienne fosse au compost, où l'on reconnaissait la tiare, une sandale, un bout d'oreille, lâchait des soupirs, puis continuait à jardiner, car maintenant il joignait les travaux manuels aux exercices religieux, et bêchait la terre vêtue de la robe de moine, en se comparant à saint Bruno. Ce déguisement pouvait être un sacrilège, il y renonça. Mais il prenait le genre ecclésiastique, sans doute par la fréquentation du curé. Il en avait le sourire, la voix, et d'un air frileux, glissait comme lui dans ses manches ses deux mains jusqu'au poignet. Un jour vint où le chant du coq l'importuna. Les roses l'ennuyaient. Il ne sortait plus, ou jetait sur la campagne des regards farouches. Bouvard se laissa conduire au mois de Marie. Les enfants qui chantaient des hymnes, les gerbes de lilas, les festons de verdure, lui avaient donné comme le sentiment d'une jeunesse impérissable. Dieu se manifestait à son cœur par la forme des nids, la clarté des sources, la bienfaisance du soleil. Et la dévotion de son ami lui semblait extravagante, fastidieuse. « Pourquoi gémis-tu pendant les repas ?»« Nous devons manger en gémissant, » répondit Pécuchet, car l'homme, par cette voix, a perdu son innocence, phase qu'il avait lue dans le manuel du séminariste, de volume in 12, emprunté à M. Geoffroy. Et il buvait de l'eau de la Salette, se livrait porte-close à des oraisons jaculatoires, espérait entrer dans la confrérie de Saint-François. Pour obtenir le don de persévérance, il résolut de faire un pèlerinage à la Sainte Vierge. Le choix des localités l'embarrassa. Serait-ce à Notre-Dame de Fourvière, de Chartres, d'Embrun, de Marseille ou d'Auray? Celle de la Délivrande, plus proche, convenait aussi bien. Tu m'accompagneras. J'aurais l'air d'un cornichon, dit Bouvard. Après tout, il pouvait en revenir croyant, ne refusait pas de l'être, et céda par complaisance. Les pèlerinages doivent s'accomplir à pied. Mais 43 kilomètres seraient durs, et les gondoles n'étaient pas congruentes à la méditation. Ils louèrent un vieux cabriolet, qui, après 12 heures de route, les déposa devant l'auberge. Ils eurent une pièce à deux lits, avec deux commodes, supportant deux pots à l'eau, dans des petites cuvettes ovales, et l'hôtelier leur apprit que c'était la chambre des Capucins. Sous la terreur qu'on y avait caché la dame de la Délivrande, avec tant de précautions que les bons pères y disaient la messe clandestinement. Cela fit plaisir à Pécuchet, et il lut tout haut une notice sur la chapelle, prise en bas dans la cuisine. Elle a été fondée au commencement du IIe siècle par saint Régnobert, premier évêque de Lisieux, ou par saint Régnobert, qui vivait au VIIe, ou par Robert le Magnifique au milieu du XIe. Les Danois, les Normands et surtout les protestants l'ont incendiée et ravagée à différentes époques. Vers 1112, la statue primitive fut découverte par un mouton, qui, en frappant du pied dans un herbage, indiqua l'endroit où elle était. Sur cette place, le comte Baudouin érigea un sanctuaire. Ces miracles sont innombrables. Un marchand de Bayeux captif chez les Sarrasins l'invoque. Ses fers tombent et il s'échappe. Un avare découvre dans son grenier un troupeau de rats, l'appelle à son secours et les rats s'éloignent. Le contact d'une médaille ayant effleuré son effigie fit se repentir au lit de mort un vieux matérialiste de Versailles. Elle rendit la parole au sieur Adeline, qui l'avait perdue pour avoir blasphémé. Et par sa protection, M. et Mme de Becqueville eurent assez de force pour vivre chastement en état de mariage. On cite parmi ceux qu'elle a guéris d'affections irrémédiables Mademoiselle de Palfrenne, Anne Lorieux, Marie Duchemin, François Dufay et Madame de Jumillac, née d'Auceville. Des personnages considérables l'ont visité, Louis XI, Louis XIII, deux filles de Gaston d'Orléans, le cardinal Wiseman, Saint-Méry, patriarche d'Antioche, Monseigneur Vérole, vicaire apostolique de la Mandchourie, et l'archevêque de Kélène vint lui rendre grâce pour la conversion du prince de Talleyrand. « Elle pourra, dit Pécuchet, te convertir aussi. » Bouvard déjà couché eut une sorte de grognement, et s'endormit tout à fait. Le lendemain, à 6 heures, il entrait dans la chapelle. On en construisait une autre. Des toiles et des planches embarrassaient la nef et le monument, de style rococo, des plus à Bouvard, surtout l'autel de marbre rouge, avec ses pilastres corinthiens. La statue miraculeuse dans une niche à gauche du chœur est enveloppée d'une robe à paillettes, le bedeau sur 20, ayant pour chacun d'eux un cierge. Il le planta sur une manière de herse dominant la balustrade, demanda 3 francs, fit une révérence et disparut. Ensuite, ils regardèrent les ex-voto. Des inscriptions sur plaques témoignent de la reconnaissance des fidèles. On admire 2 épées en soutoir, offertes par un ancien élève de l'école polytechnique, des bouquets de mariés, des médailles militaires, des cœurs d'argent, et dans l'angle au niveau du sol, une forêt de béquilles. De la sacristie déboucha un prêtre portant le Saint-Ciboire. Quand il fut resté quelques minutes au bas de l'autel, il monta les 3 marches, dit l'Oremus, l'Introïte et le Kyrie, que l'enfant de cœur à genoux récita tout d'une haleine. Les assistants étaient rares, 12 ou 15 vieilles femmes. On entendait le froissement de leur chapelet et le bruit d'un marteau cognant des pierres. Pécuchet, incliné sur son prie-Dieu, répondait au « Amen ». Pendant l'élévation, il supplia Notre-Dame de lui envoyer une foi constante et indestructible. Boulevard, dans un fauteuil à ses côtés, lui prit son eucologe et s'arrêta aux litanies de la Vierge. Très pure, très chaste, vénérable, aimable, puissante, clémente, tour d'ivoire, maison d'or, porte du matin, ses mots d'adoration, ses hyperboles l'emportèrent vers celle qui est célébrée par tant de mages. Il l'arriva comme on la figure dans les tableaux d'église, sur un amoncellement de nuages, des chérubins à ses pieds, l'enfant-Dieu à sa poitrine, mère des tendresses que réclament toutes les afflictions de la terre, idéal de la femme transportée dans le ciel, car sorti de ses entrailles, l'homme exalte son amour et n'aspire qu'à reposer sur son cœur. La messe étant finie, ils longèrent les boutiques qui s'adossent contre le mur du côté de la place. On y voit des images, des bénitiers, des urnes à filets d'or, des Jésus-Christ en noix de coco, des chapelets d'ivoire. Et le soleil frappant les verres des cadres éblouissait les yeux, faisait ressortir la brutalité des peintures, la hideur des dessins. Bouvard, qui chez lui trouvait ces choses abominables, fut indulgent pour elle. Il acheta une petite vierge en pâte bleue. Pécuchet, comme souvenir, se contenta d'un rosaire. Les marchands criaient « Allons, allons, pour 5 francs, pour 3 francs, pour 60 centimes, pour 2 sols, ne refusez pas Notre-Dame !» Les deux pèlerins flânaient sans rien choisir. Des remarques désobligeantes s'élevèrent. « Qu'est-ce qu'ils veulent, ces oiseaux-là? Ils sont peut-être des Turcs. Des protestants, plutôt. » Une grande fille tira Pécuchet par la redingote. Un vieux, en lunettes, lui posa la main sur l'épaule. Tous broyaient à la fois. Puis, quittant leur baraque, ils vinrent les entourer, redoublaient de sollicitations et d'injures. Bouvard n'y tint plus. « Laissez-nous tranquilles, nom de Dieu !» La tourbe s'écarta. Mais une grosse femme les suivit quelque temps sur la place et cria qu'ils s'en repentiraient. En rentrant à l'auberge, ils trouvèrent dans le café Gutmann. Son négoce l'appelait en ces parages, et ils causaient avec un individu examinant des bordereaux sur la table devant eux. Cet individu avait une casquette de cuir, un pantalon très large, le teint rouge et la taille fine. Malgré ses cheveux blancs, l'air à la fois d'un officier en retraite et d'un vieux cabotin. De temps à autre, il lâchait un juron, puis, sur un mot de Gutmann, dit plus bas, se calmait de suite et passait à un autre papier. Bouvard, qui l'observait au bout d'un quart d'heure, s'approcha de lui. « Barbe Rouge, je crois ?»« Bouvard !» s'écria l'homme à la casquette, et ils s'embrassèrent. Barbe Rouge, depuis 20 ans, avait enduré toutes sortes de fortunes. Gérant d'un journal, commis d'assurance, directeur d'un parc aux huîtres, je vous conterai cela. Enfin revenu à son premier métier, il voyageait pour une maison de Bordeaux, et Gutmann, qui faisait le diocèse, lui plaçait des vins chez les ecclésiastiques. « Mais permettez, dans une minute, je suis à vous. » Il avait repris ses comptes, en bondissant sur la banquette. « Comment, 2000 ? Sans doute. Ah, elle est forte, celle-là. Vous dites ?»« Je dis que j'ai vu Hérambert moi-même, » répliqua Barberoux, furieux. « La facture porte 4000, pas de blague. » Le brocanteur ne perdit point contenance. « Eh bien, elle vous libère. Après ?» Barberoux se leva, et à sa figure blême d'abord, puis violette, Bouvard et Pécuchet croyaient qu'il allait étrangler Gutmann. Il se rassit, croisa les bras. « Vous êtes une rude canaille, convenez-en. »« Pas d'injure, monsieur Barberoux, il y a des témoins, prenez garde. »« Je vous flanquerai un procès. »« Ta ta ta !» Puis, ayant bouclé son portefeuille, Gutmann souleva le bord de son chapeau, à l'avantage, et il sortit. Barberoux exposa les faits. Pour une créance de 1000 francs, doublée par suite de manœuvres usuraires, il avait livré à Gutmann 3000 francs de vin, ce qui payerait sa dette avec 1000 francs de bénéfice, mais au contraire, il en devait 3000. Ses patrons le renverraient, on le poursuivrait, crapule, brigand, sale juif, et sadine dans les presbytères, d'ailleurs tout ce qui touche à la calotte. Il déblatéra contre les prêtres, et tapait sur la table avec tant de violence que la statuette faillit tomber. « Doucement, » dit Bouvard. « Tiens, qu'est-ce que ça ?» Et Barberoux, ayant défait l'enveloppe de la petite Vierge, un bibelot du pèlerinage, « À vous ?» Bouvard, au lieu de répondre, sourit d'une manière ambiguë. « C'est à moi, » dit Pécuchet. « Vous m'affligez, » reprit Barberoux, « mais je vous éduquerai là-dessus. N'ayez pas peur. Et comme on doit être philosophe, et que la tristesse ne sert à rien, il leur offrit à déjeuner. Tous les trois s'attablèrent. Barberoux fut aimable, rappela le vieux temps. prit la taille de la bonne, voulut toiser le ventre de Bouvard. Ils iraient chez eux bientôt, il leur apporterait un livre farce. L'idée de sa visite les réjouissait médiocrement. Ils en causèrent dans la voiture, pendant une heure au trot du cheval. Ensuite Pécuchet ferma les paupières. Bouvard se taisait aussi. Intérieurement, il se penchait vers la religion. M. Marescot s'était présenté la veille pour leur faire une communication importante. Marcel n'en savait pas davantage. Le notaire ne put les recevoir que 3 jours après, et de suite exposa la chose. Pour une rente de 7 500 francs, Madame Bordin proposait à M. Bouvard de lui acheter leur ferme. Elle la reluquait depuis sa jeunesse, en connaissait les tenants et aboutissants, défauts et avantages. Et ce désir était comme un cancer qui la minait, car la bonne dame, en vraie normande, chérissait par-dessus tout le bien, moins pour la sécurité du capital que pour le bonheur de fouler un sol vous appartenant. Dans l'espoir de celui-là, elle avait pratiqué des enquêtes, une surveillance journalière, de longues économies, et elle attendait avec impatience la réponse de Bouvard. Il fut embarrassé, ne voulant pas que Pécuchet un jour se trouvât sans fortune, mais il fallait saisir l'occasion, qui était l'effet du pèlerinage. La Providence pour la seconde fois se manifestait en leur faveur. Ils offrirent les conditions suivantes. La rente non pas de 7 500 francs, mais de 6 000, serait dévolue au dernier survivant. Marescot fit valoir que l'un était faible de santé. Le tempérament de l'autre le disposait à l'apoplexie, et Madame Bordin signa le contrat, emportée par la passion. Bouvard en resta mélancolique. Quelqu'un désirait sa mort, et cette réflexion lui inspira des pensées graves, des idées de Dieu et d'éternité. 3 jours après, M. Geoffroy les invita au repas de cérémonie qu'il donnait une fois par an à des collègues. Le dîner commença vers 2 heures de l'après-midi, pour finir à 11 heures du soir. On y but du poiré, on y débita des calembours. L'abbé Pruneau composa séance tenante une acrostiche. M. Bougon fit des tours de cartes, et Serpette, jeune vicaire, chanta une petite romance qui frisait la galanterie. Un pareil milieu divertit Bouvard. Il fut moins sombre le lendemain. Le curé vint le voir fréquemment. Il présentait la religion sous des couleurs gracieuses. Que risque-t-on du reste ? Et Bouvard consentit bientôt à s'approcher de la sainte table. Pécuchet, en même temps que lui, participerait au sacrement. Le grand jour arriva. L'église, à cause des premières communions, était pleine de monde. Les bourgeois et les bourgeoises encombraient leurs bancs et le menu peuple se tenait debout par derrière ou dans le jubé, au-dessus de la porte. Ce qui allait se passer tout à l'heure était inexplicable, songeait Bouvard. Mais la raison ne suffit pas à comprendre certaines choses. De très grands hommes ont admis celle-là. Autant faire comme eux. Et dans une sorte d'engourdissement, il contemplait l'autel, l'encensoir, les flambeaux, la tête un peu vide, car il n'avait rien mangé, et éprouvait une singulière faiblesse. Pécuchet, en méditant la passion de Jésus-Christ, s'excitait à des élans d'amour. Il aurait voulu lui offrir son âme, celle des autres, et les ravissements, les transports, les illuminations des saints, tous les êtres, l'univers entier. Bien qu'il priât avec ferveur, les différentes parties de la messe lui semblèrent un peu longues. Enfin, les petits garçons s'agenouillèrent sur la première marche de l'autel, formant avec leurs habits une bande noire, qui surmontait inégalement des chevelures blondes ou brunes. Les petites filles les remplacèrent, ayant sous leur couronne des voiles qui tombaient. De loin, on aurait dit un alignement de nuées blanches au fond du cœur. Puis ce fut le tour des grandes personnes. La première du côté de l'Évangile était Pécuchet, mais trop ému sans doute, il oscillait la tête de droite et de gauche. Le curé eut peine à lui mettre l'hostie dans la bouche, et il la reçut en tournant les prunelles. Bouvard, au contraire, ouvrit si largement les mâchoires que sa langue lui pendait sur la lèvre comme un drapeau. En se relevant, il coudoya Madame Bordin. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle souriait. Sans savoir pourquoi, il rougit.